إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrivé au point numéro 10 dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, Durusun min al-Qur'an al-Karim. Et donc le point dont on va parler aujourd'hui, c'est At-Tawhid, ou bien plutôt le point sur lequel on va commencer aujourd'hui, c'est At-Tawhid fi surat al-Kafirun wa al-Ikhlas. C'est-à-dire le Tawhid tel qu'il est expliqué dans surat al-Kafirun et dans surat al-Ikhlas. Donc le cheikh il commence et il dit fil Qur'an al-Karim suwarun ikhtassat bi tawhidillah bi tawhid al-uluhiyyah mithl qul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hadhihi as-sura مخصصة لتوحيد الألوهية توحيد العبادة. Donc le cheikh il explique et il dit que dans le Coran il y a certaines sourates qui sont révélées uniquement par exemple pour le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne par exemple sourate al-kafirun, hein, sourate des non-croyants, des kuffars, des mécréants. Surat al-Kafirun. Et le verset commence en disant Qul, dis ô Muhammad, Ya ayyuha al-Kafirun, ô vous les Kafirun, les non-croyants, La a'budu ma ta'budun, moi j'adore pas ce que vous adorez. Hein? On sait qu'est-ce que les mushrikoun adorent. Ils adorent n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils offrent à autre que Allah des formes d'adoration. Donc, quand on dit la a'budu ma ta'budun, c'est-à-dire j'adore pas ce que vous adorez de fausseté et de mensonges et d'idoles et d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire vous adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, vous adorez d'autres en dehors de lui, vous adorez des fausses divinités, des faux dieux. Et même s'ils prétendent ou ils pensent qu'ils adorent Dieu ou Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils associent avec Allah dans leurs adorations, et donc ça veut dire qu'ils adorent en réalité al-shaytan. D'accord? Et après, il dit, wala ana abidum ma abattum. Et il confirme encore une fois en disant, et je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Après, Allah termine en disant « Lakum dinukum waliyadin » « À vous votre religion et à moi la mienne. » هذه السورة مخصصة لتوحيد الألوهية. Cette sourate, elle est spéciale, spécifique pour le tawhid de l'adoration. Hein? Elle est spécifique au tawhid de l'adoration. Et le cheikh il dit « وَسَبَبُ نُزُولِهَا » La raison de sa descente, pourquoi elle a été révélée. هو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا ربه سنة وهو يعبد آلهتهم سنة. Ça c'est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari et Ibn Abi Hatim dans leur tafsir. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie cette parole? C'est que les mouchriquins, la raison pourquoi ce verset a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que les mouchriquins avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une sorte de pacte ou de faire une entente avec les mouchriquins. Les mouchriquins avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une entente avec eux. Et cette entente-là, elle impliquait que yani, les musulmans devaient adorer leurs idoles avec eux pendant un an, et l'année d'après, eh ben, les mouchriquins allaient adorer uniquement Allah yani, avec les musulmans. Donc c'était comme une façon de dire, bon, on va faire plaisir à tout le monde, on va faire une sorte d'entente. Pendant une année, vous adorez nos idoles, et pendant l'autre année, on adore Allah seulement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il se désavoue totalement des mouchriquins et pour dire que jamais on va adorer ce que vous adorez, hein, et vous n'adorez pas qu'est-ce que j'adore, hein. Donc c'est une bara'a, c'est un désavouement, comme le cheikh il dit. فأنزل الله هذه السورة في البراءة من عبادة الأوثان وتخصيص الله جل وعلا بالعبادة. Donc le cheikh il dit, cette sourate elle a été révélée pour se désavouer de l'adoration des idoles et pour rendre l'adoration spécifiquement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, en même temps, ça réfute les idées des soi-disant laïcs aujourd'hui, qui appellent les gens à dire il faut accepter et il faut respecter soi-disant toutes les religions, et qu'ils établissent des pays où soi-disant aucune religion a plus d'importance ou plus de précédence sur une autre. Donc l'adorateur des idoles, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala est mis au même niveau, hein. Les gens sont mis au même niveau. Le shirk et le tawhid pour eux, c'est yani, au même degré. Il n'y a pas de préférence ou de mérite à celui qui suit le tawhid. Et il n'y a pas aucun blâme, hein, et critique au sujet de celui qui adore autre que Allah. Tout le monde peut faire le shirk tel comme il veut. Yani, ça, c'est la religion des mushrikines. Et ça, c'est un exemple de qu'est-ce que prêche la laïcité. Et ce qui est triste également, c'est de voir que certains parmi les musulmans, Allah al-Musta'an, eh ben, ils essaient d'utiliser ce verset-là pour essayer de dire que, yani, chacun a sa religion, et puis il faut pas essayer d'amener un chrétien à l'islam, ou un juif à l'islam, ou un hindou à l'islam, ou, yani, un kafir, de le faire se convertir à l'islam. Et, yani, il faut laisser chaque personne sur la croyance qu'il a et qu'il aime, et faire ce qu'il veut, yani. Donc, cette idée-là, yani, elle est répandue actuellement dans le monde musulman, hein, et puis elle est propagée par certains ignorants qui essaient de faire croire aux musulmans des choses pareilles. Mais qu'est-ce qui est étonnant de constater, c'est que c'est pas uniquement, c'est pas quelque chose qui est récent, hein. C'est quelque chose qui a été, qui est apparu depuis des siècles. Et même que, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a parlé de ça déjà lui aussi dans son livre, dans le Majmu' al-Fatawa, dans un de ses livres qu'il a écrit, c'est le volume 27, la page 526. Le cheikh il répond justement à quelqu'un qui a dit cette même idée là que certains d'aujourd'hui ont. Il dit wa yatadhaharu min shari'ati al-islam bima la budda minhu lahu بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين من أجل من هناك من المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل هذا الخبيث الجاهل بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه رضي بدينهم. قال وهذه الآية محكمة ليست منسوخة وجرت لسبب ذلك أمور. Donc Ibn Taymiyyah il dit, et il est apparu, il se fait paraître, il parle d'un parmi les malahida qui s'appelle At-Tusi, hein, At-Tusi, qui faisait partie des Qaramita, une des sectes des Batiniya, qui sont des hérétiques hypocrites qui sont en dehors de l'islam, mais qui se font paraître ou qui se font passer pour des musulmans. Donc At-Tusi, si je comprends bien, il était parmi un des juges de cette époque qui avait été établi par les hypocrites de l'époque parmi les gens de Bédar. Donc Ibn Taymiyyah le réfute et il dit il se fait passer comme si quelqu'un qui applique la charia de l'islam, étant donné qu'il y a certains musulmans. Donc pour se faire accepter de la part de certains musulmans, il essaie de montrer qu'il accepte la charia. Mais il dit un de leurs ministres, qui est un homme très mauvais et qui est un athée ou un dévié, un hypocrite, il a écrit un livre, et dans ce livre-là, il essaie de prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait agréé la religion des juifs et des chrétiens, et qu'il ne les rejetait pas ou il ne critiquait pas, et il ne leur interdisait pas de suivre leur religion, et il ne leur ordonnait pas de changer pour venir à l'islam. Et il utilisait comme preuve cette personne ignorante et qui était mauvaise. Elle se basait sur le verset qu'il y a al kafirun, et le cheikh il mentionne le verset. Puis après il dit, et il croit que ce verset implique qu'on doit être satisfait de leur religion. Et il dit ça c'est une ayah qui est muhkama, elle n'est pas abrogée, hein. Donc eux ils se basaient sur يعني سجاد دكزامب إلى شيخ دي. ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله لكم دينكم ولي دين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبرئه من دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك، كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقوله لكم دينكم ولي دين كقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه، حيث قال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc le chef il explique et il dit que c'est connu que cette il dit que ça c'est très connu de la part de cet ignorant là de dire des choses pareilles. Et il dit par la suite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi la mienne. Ça ne signifie pas que yani, la religion des kuffars est vraie ou qu'on doit l'agréer. Ça veut plutôt dire qu'on doit se désavouer de leur religion. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette surah, c'est un désavouement du shirk. Hein? Comme dans un autre verset, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si il te traite de menteur, alors dis à vous vos actions et à moi mes actions, hein, à moi mes actions et à vous vos actions. Vous êtes innocent de ce que je fais et moi je suis innocent de ce que vous faites. فَقَوْلُهُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ كَقَوْلِهِ. Donc la parole d'Allah lorsqu'il dit à vous votre religion et à moi la mienne, c'est exactement pareil comme l'autre verset qui dit à nous nos actions et à vous vos actions, ou à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Hein? Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a suivi ce verset-là dans l'autre verset en disant « Vous êtes innocent de ce que je fais et moi je suis innocent ou je me désavoue de ce que vous faites. » Après il dit « وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَا يَقْتَضِ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَرْكِ دِينِهِمْ فَقَدْ عُلِمَ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالنُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار. Donc le cheikh il dit, et même si supposons que ce verset là n'impliquait pas directement qu'on ordonne aux gens du livre ou aux mécréants en général de quitter leur religion, le cheikh il dit, on connaît très bien, on connaît par nécessité de la religion de l'islam, de par ses textes, hein, et de par l'ijma, c'est-à-dire le consensus de la Oumma, qu'il a ordonné, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé et a ordonné aux mushrikin et aux gens du livre de croire. Et il est venu avec l'islam pour eux, et qu'il leur a ordonné de l'accepter, et que ceux qui ont refusé de l'accepter, il a dit que ce sont des mécréants et qu'ils seraient éternellement dans le feu de l'enfer. Et ça, il y a beaucoup de preuves de ça dans le Coran. Ça, c'était juste une note en passant, juste pour clarifier cette idée-là, pour faire comprendre qu'en même temps, c'est pas nouveau cette pensée que, yani, que certains qui essaient de se baser sur cette sourate, yani, ils essaient de justifier ça en utilisant ce verset. Hein, parce qu'on sait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il est mort vers les années 700 quelque chose. Donc, ça fait assez longtemps, donc on peut dire que cette idée-là existe parmi la Ummah, mais c'est une idée qui est contraire à la vérité. Et c'est une idée qui a été amenée par des gens de Bid'ah et des gens des hérétiques, yani, qui avaient des notions totalement erronées et contraires au fondement de l'Islam. Donc il ne faut pas que quelqu'un répète ces idées-là et les prêche parmi les musulmans, parce que c'est une chose qui peut amener les musulmans à la mécréance. C'est une croyance, c'est une chose qui contredit complètement d'autres aspects et d'autres versets du Coran qui sont absolument clairs, ainsi que des hadiths. Donc le cheikh il continue et il dit « Wa qawluhu la a'budu ma ta'budun karrara hadhihi al-jumal » للتأكيد. Le cheikh dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et je n'adore pas ce que vous adorez, il a fait répéter ce verset là deux fois. Ça c'est dans le but de mettre plus de force et plus de pour confirmer encore plus le fait que on ne doit pas adorer ce que les mushrikin adorent. Wa qawluhu lakum dinukum wa liyadin hadha min bab al-bara'a وتيئس المشركين من هذا الطمع. Ça c'est le cheikh il explique justement à propos du dernier verset, la kum dinukum wa liyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. Il dit ça fait partie du désavouement et c'est pour faire perdre l'espoir aux mushrikin de penser que on pourrait un jour adorer leurs idoles ou revenir à l'idolâtrie. Le cheikh il dit ensuite wa fil Qur'an ايضا سوره خاصه بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات وهي سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Donc le cheikh il dit et également il y a dans le Coran une sourate qui est uniquement pour le tawhid de la souveraineté et le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate, c'est sourate al-ikhlas. Elle parle uniquement de ce sujet-là, c'est-à-dire de tawhid al-rububiyya et de tawhid al-asma'i wa sifat. Et le cheikh, il dit, c'est sourate al-ikhlas, la sourate de la pureté. Et le cheikh, il dit, qul, ça c'est le verset de sourate al-ikhlas, dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, Allah samad. Allah Samad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'on retourne pour demander pour faire des invocations et pour adorer et pour l'invoquer, etc. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et il n'est pas engendré. C'est-à-dire, il n'a pas d'enfant et lui-même n'est pas l'enfant d'un autre. Et il n'a pas d'égo, il n'y a rien qui est égal à lui. Et le cheikh dit, fiha nafyun wa fiha isbat. Il y a une négation dans ce verset-là et il y a une affirmation. C'est-à-dire, nafyun naqa'is anillah. C'est-à-dire, on a nié toutes les imperfections et les faiblesses qui pourraient être attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatu sifatil kamali lahu subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation de toutes les attributs de perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala fi ayatul kursi. Comme il a dit dans ayatul kursi. Et il dit, هذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل لهذا جاء أن صحابيا كان يكثر قراءة هذه السورة فسئل عن ذلك فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم. Donc, le cheikh, il dit que cette surah est uniquement au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'un sahabi, il la récitait continuellement dans sa prière. Donc, quelqu'un a demandé à ce sujet-là, yani, pourquoi tu la récites constamment? Et il a dit, je la récite parce que je l'aime. Parce qu'elle parle de l'attribut de Ar-Rahman, c'est-à-dire de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-lui savoir que Allah l'a aimé. Hein? Faites-lui savoir que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Naam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est un hadith authentique. Et après, le cheikh, il dit, Anwa'u al-Tawhid fi surat al-Zumar. Il donne des exemples maintenant de Tawhid dans surat al-Zumar. Hein? Les groupes, si je ne me trompe pas, al-Zumar, c'est les groupes. Et moi, je vous conseille, mes frères et mes sœurs, d'étudier surat al-Zumar et de la prendre et de la lire comme il faut, parce que vraiment il y a beaucoup d'arguments, de force et vraiment beaucoup de bien dans cette sourate. Et comme le cheikh va expliquer, vous allez voir, c'est une sourate qui se concentre presque uniquement sur le tawhid et se concentre sur toutes les catégories de tawhid également. Donc c'est une sourate vraiment puissante, yani il faut bien l'étudier et la comprendre. Le cheikh il dit, أنواع التوحيد في سورة الزمر. سورة الزمر من أولها إلى آخرها تدور على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc il dit que cette sourate de son début à sa fin, elle tourne autour du tawhid, c'est-à-dire du sujet du tawhid dans ces trois catégories: le tawhid de la souveraineté, le tawhid de l'adoration et le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Wa anta idha ta'ammalta as-surata min awwaliha ila akhiriha wajadtaha kadhalik. Et toi, si tu l'étudies et tu la lis du début à la fin, tu vas trouver que c'est exactement le cas. Fa qawluhu tanzilu al-kitab min Allah al-aziz al-hakim. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا ونحوه في توحيد الألوهية. فالصورة كلها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. الشيخ يجزي. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala il commence cette sourate en disant, hein, le livre est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Hakim, le puissant et le sage. Inna anzalna ilayka al-kitab. Nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité. Alors adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant une religion exclusive ou une adoration exclusive. Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah que revient la pureté de la religion ou la religion sincère? Tu dois l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate. Donc on voit dedans que Allah subhanahu wa ta'ala parle déjà de ikhlas. Ikhlas uddin lillah, c'est-à-dire de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer ton adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh ensuite il dit, donc à la suite il dit wa qawluhu ta'ala, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite dit, on m'a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif ou en adorant lui seul, et on m'a ordonné d'être parmi les premiers à se soumettre ou être parmi les premiers musulmans. Dit, c'est-à-dire ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, dit, hein, Allah il dit aux gens, je crains que si je désobéis à mon Seigneur, je crains le châtiment d'un jour terrible ou d'un grand jour, c'est-à-dire le jugement dernier. Qul, dit, Qul illah أعبد مخلصا له الدين. Dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que j'adore lui seul en lui vouant un culte exclusif, en l'adorant lui seul. Donc on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala vraiment il insiste dans ce verset là sur la notion de tawhid dans ces trois catégories. Donc c'est vraiment une grande sourate. Et le cheikh il dit وكذلك غيرها من صور القرآن وآياته متضمنة أنواع التوحيد الثلاثة فلا تكاد تجد سورة من القرآن تخلو من ذكر التوحيد وبعد السور خالصة في نوع واحد أو أكثر من أنواع التوحيد وأكثر السور المكية في بيان التوحيد والدعوة إليه. Donc le cheikh il dit que la plupart des sourates, des versets ou des chapitres dans le Coran, eh bien, il parle d'une catégorie quelconque du tawhid. Et il dit que tu peux presque pas trouver une sourate dans le Coran qui ne mentionne pas quelque chose qui a rapport avec le tawhid. Soit qu'elle parle, comme il y a certaines sourates qu'on a mentionnées déjà, qui se spécifient ou qui parlent uniquement d'une catégorie en particulier ou de plus qu'une, et il y en a d'autres comme qui parlent juste de, qui parlent de deux ou de trois, mais il y a toujours quand même mention en général d'une catégorie quelconque de tawhid parmi les trois. Et le cheikh il dit que la plupart des sourates qui sont révélées à Mecca sont au sujet du tawhid et appellent à l'accepter, etc. Donc ça veut dire que l'importance du tawhid elle est présente à travers le Coran en entier. Cheikh il dit par la suite وهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته من الدين وأنه يجب على المسلمين العناية به تعلما وتعليما وعملا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc le cheikh il dit que ça montre, ça prouve l'importance du tawhid et de son statut dans la religion, et qu'il est obligatoire aux musulmans d'avoir un intérêt et de l'apprendre et d'agir en accord avec le tawhid. Et il mentionne comme preuve de ça le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit sache que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon pour tes péchés, pour toi et pour les croyants et pour les croyantes. Et le cheikh dit وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من أمته أمرهم بالتعلم قبل العمل تعلم العلم لا سيما علم التوحيد لأن العمل إذا لم يؤسس على علم فإنه لا يكون صحيحا. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est un discours ou une parole qui est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa umma, à chacun des individus de la umma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il demande à chaque personne d'apprendre et de connaître le tawhid avant d'agir. Allah nous ordonne de l'apprendre et de l'étudier avant l'application. Et yani d'apprendre la science et en particulier le tawhid, car c'est la base de toutes les actions. Et une action qui n'est pas basée sur le ilm, alors elle ne peut pas être correcte. Donc c'est ça l'importance de connaître et d'avoir la connaissance avant de mettre en application quoi que ce soit de la religion. Et de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ignorance. فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ثم يعمل ولا يعمل بدون علم. Faut pas agir sans connaissance. ولذا قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset dans sourate Az-Zukhruf, il dit: excepté celui qui aura témoigné de la vérité alors qu'il a une pleine connaissance de cause. Yani il connaît bien de quoi il sait la chose au sujet de laquelle il a témoigné. D'accord? Shahida bil haqq, yani nataqa bi lisanihi wa qala la ilaha illallah. Shahida bil haqq, c'est-à-dire témoigner de la vérité, c'est-à-dire de parler avec sa langue et de dire la ilaha illallah, de le dire avec sa langue et expressément, yani de le dire ouvertement. Témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et après il dit wahum ya'lamun, c'est-à-dire qu'ils sont en connaissance, le cheikh il dit ils connaissent de la chose au sujet de laquelle ils ont témoigné, ya'ni ma yashhaduna bihi min ma'na hadhihi al-kalima wa muqtadaha wa ma tadullu alayhi wa ya'lamuna wa ya'maluna biha ba'da al-ilmi wal-ma'rifa. Donc il dit wahum ya'lamun, ça veut dire ils témoignent de cette parole de la ilaha illallah, et ils connaissent la signification de cette parole et qu'est-ce qu'elle implique, qu'est-ce qu'elle ramène d'implication et qu'est-ce qu'elle prouve, à quoi elle appelle. Et ils appliquent cette connaissance. Une fois qu'ils l'ont appris, ben ils la mettent en application. فلا بد من ثلاثه امور: النطق بلا اله الا الله واعلان ذلك ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Il faut absolument qu'il y ait trois choses qui soient présentes. Premièrement, il faut dire ouvertement la ilaha illallah et le faire connaître, faire savoir qu'on a témoigné de ça. Deuxièmement, il faut connaître sa signification. Et troisièmement, il faut agir selon ce que ça implique ouvertement et à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord, dans notre cœur et par nos membres, par nos bras, nos jambes, en appliquant la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit: fal Qur'an idhan kulluhu fi at-tawhid wa anwa'i wa huquqi wa mukammilati wa jazaa'i man 'amila bihi wa jazaa'i man a'rada 'anhu fa kulluhu yaduru 'ala hadhihi al-ma'ani. Donc le cheikh il dit donc tout le Coran, si tu regardes de quoi il parle, il dit il parle du tawhid et de ses catégories, de ses droits et de qu'est-ce qui le parfait, qu'est-ce qui le complète, et de la récompense de celui qui l'aura appliqué ou de la punition de celui qui s'en détourne. Et donc tout dans le Coran tourne autour de cette signification là. Et ça, si vous réfléchissez un petit peu pour penser à la signification de cette parole, eh bien, vous allez voir que c'est exactement ça. Le Coran, il parle soit d'Allah subhanahu wa ta'ala et des formes de tawhid et de ses catégories, les trois qu'on a mentionnées. Ensuite, il parle de ses droits, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on doit l'adorer lui seul, etc. Et des choses qui viennent pour parfaire le tawhid, comme par exemple de s'éloigner des péchés et de faire les œuvres d'adoration. Ça, c'est des choses qui viennent pour parfaire. Plus que tu te rapproches d'Allah, plus que tu t'éloignes de ce qu'il t'a interdit, tu parfais compléter la réalité de la signification du tawhid. Et on voit que Allah parle de la punition des gens qui se détournent du tawhid, c'est-à-dire qu'ils vont aller en enfer pour l'éternité parce qu'ils ont commis le shirk. Et tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala parle également de la récompense de ceux qui ont appliqué le tawhid, et c'est-à-dire qu'ils entreront au paradis pour y demeurer éternellement. Donc, on voit donc dans ça que yani, tout le tawhid tourne autour, tout le sujet du Coran tourne autour du tawhid. Hein? Et donc, ça nous fait réellement comprendre que toute cette religion-là est basée sur le tawhid. Maintenant, juste pour vous donner un exemple de certains musulmans, comment yani, parfois ils négligent ou ils dénigrent un peu l'importance du tawhid, c'est qu'ils se concentrent plus sur des aspects politiques ou des aspects sociaux ou économiques. Et ils mettent toute leur concentration sur ces choses-là pour essayer, soi-disant, de faire une réforme sociale ou une réforme économique ou une réforme politique dans le monde musulman. Et ils croient que c'est en commençant de cette façon-là qu'ils vont réussir à changer quoi que ce soit des problèmes de la Ummah. Et puis, yani, ça me fait un peu penser à l'attitude de certains parmi les gens ici. Je me souviens au tout début, quand j'ai accepté l'islam, j'entendais quelques commentaires de certaines personnes que je connaissais, yani, qui me disaient « Ah, mais c'est bien, t'as accepté l'islam. » C'est-à-dire, ça, eux, c'était pas des musulmans, bien entendu, c'était des koufars. Mais ils disaient « C'est bien, au moins tu as accepté l'islam, et ça c'est une chose qui est bien, parce que bon, ça vous éloigne de la rue, ça vous éloigne de faire certaines mauvaises choses, etc. » Donc, pour eux, ils regardaient uniquement l'aspect social d'avoir accepté l'islam, c'est-à-dire que ça t'éloigne des péchés et de certains problèmes de la société. D'accord? Mais si on pense et on réfléchit un petit peu à cette parole-là, on réalise que yani, c'est pas ça la base de pourquoi on a accepté l'islam. Parce que si c'était le cas, et si c'était juste ces choses-là qu'on devait observer et regarder pour accepter l'islam, eh bien c'est pas suffisant. Parce que en général, toutes les religions appellent les gens à faire quelque chose de bien et à s'éloigner de quelque chose de mal. Hein? Si vous regardez n'importe quelle religion, que ce soit les chrétiens ou les juifs, ils interdisent aussi de tuer, de voler, de mentir, hein, et de faire quelque chose de mal. Donc, en général, c'est tout basé sur ces choses-là. Fondamentalement, yani, on sait que toutes ces religions-là interdisent le meurtre, interdisent le vol, interdisent des choses de ce genre. Même les bouddhistes, et même les hindous, et même les athées, hein, ils rejettent ces crimes-là et ces choses qui sont mauvaises. Ça, c'est accepté par presque toute l'humanité. Donc, le simple fait de dire que tu vas faire une réforme sociale, ou que tu vas enlever certaines notions économiques qui sont contraires à la justice, ou je sais pas quoi, que ça, c'est suffisant pour que... Yani, tu acceptes une religion quelconque, mais c'est pas ça la base du message de l'islam. La base du message de l'islam, c'est que la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc ça veut dire, si c'était juste pour se baser sur les choses sociales et politiques, eh bien il y a pas de différence entre une religion ou une autre. En général, la plupart des affaires qui sont mauvaises sont interdites par toutes les religions. Donc, c'est pas ça le message de base. Il faut retourner au fondement de l'islam, c'est-à-dire le tawhid. Parce que toutes les religions en dehors de l'islam, elles ont dévié sur la question du tawhid. Elles ont dévié sur la question de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont toutes pris en dehors d'Allah des associés et des partenaires, et appelé les hommes à passer par la créature pour aller au créateur, hein, et à prendre des intercesseurs. Donc tout, c'est ça la base de toute la corruption, de tout le désordre qui peut exister dans la société. Ça part toujours du shirk, ça part toujours de l'égarement au sujet du tawhid. Et c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en tout premier. Lorsqu'il a commencé à expliquer l'islam, il s'est concentré là-dessus pendant 13 ans, subhanallah. Hein? Il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait rien d'obligation au début. Uniquement combattre le shirk. Et uniquement à cause de ça, yani, il a eu toutes les épreuves et les difficultés qu'il a eues à subir et qu'il a subies à cause de cet appel. Hein? Pas d'autre chose. Donc aujourd'hui, C'est très important de revenir à ça, parce que lorsqu'on écoute par exemple certains musulmans quand ils expliquent l'islam aux non-musulmans, eh bien, subhanallah, on dirait qu'ils leur décrivent quelque chose qui est exactement pareil à une autre religion. Comme s'il n'y a rien vraiment, ils vont leur dire peut-être que oui, il y a un Dieu unique, mais sans rentrer dans les détails et sans leur expliquer que rien ne doit être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et des exemples de shirk. Et peut-être même qu'ils ne vont pas leur dire, par exemple, parce que ça c'est la réalité. Certains chrétiens ici, une fois, ils avaient fait certains musulmans, ils avaient organisé une réunion avec des chrétiens. Et puis ils voulaient faire une sorte de dialogue avec eux. Et les chrétiens sont rusés, Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené avec eux des soufis. Ils ont amené des soufis avec eux. Donc, à chaque fois qu'on essayait d'expliquer quelque chose qui a rapport avec le tawhid et l'unicité d'Allah, les soufis s'objectaient et ils essayaient de dire mais non, il faut pas. C'est permis de faire ci, de faire ça. Comme par exemple, quand j'avais parlé de l'interdiction de se prosterner devant d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, eux commençaient à s'objecter à ça et à dire non, mais si tu te prosternes devant autre que Allah, ça c'est pas shirk, et des choses de ce genre. Et commençaient à donner des shubuhat. Donc, c'est pour montrer qu'il y en a parmi certains musulmans qui sont plus dangereux pour l'islam que les juifs et les chrétiens, dans le sens qu'ils font une shubha pour les chrétiens et les juifs et les autres kuffars pour les éloigner d'accepter l'islam, en leur disant que le shirk est accepté même dans l'islam. Donc ça c'est dangereux, c'est une fitna. C'est une fitna pour les musulmans et il faut faire attention à ça et se concentrer sur l'appel au tawhid et même parfois clarifier quand on parle avec des non-musulmans pour les amener à l'islam, leur clarifier que parmi les musulmans, il y en a des gens qui ont dévié même sur l'aspect du tawhid et ça, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en avait averti et avait prévenu la Ummah à ce sujet-là pour leur dire que vers la fin des temps, il y a des musulmans qui vont dévier. Et il y en a des musulmans qui vont même adorer des idoles, qui vont se dévier complètement du droit chemin et les avertir de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on allait suivre les juifs et les chrétiens, ou certains parmi les musulmans allaient suivre la voie des gens qui étaient venus auparavant. Il a dit « La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin ladakaltumuh. قيل من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قيل اليهود والنصارى قال فمن. Donc ça veut dire vous allez suivre les juifs et les chrétiens, shibran bi shibrin, shibr c'est la longueur d'une main, et zira'an bi zira'in c'est la longueur d'un bras. Donc vous allez les suivre de longueur en longueur, c'est à dire vous allez les suivre pas à pas, étape par étape, jusqu'au point où s'ils décident d'entrer dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans. Et les sahaba ont dit, ya Rasulallah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Il a dit, qui d'autre? Donc ça veut dire que parmi les musulmans, il y en a qui vont dévier et qui vont revenir à la voie des gens qui sont venus auparavant qui ont dévié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par contre a dit, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Il y aura toujours un groupe de Mahoma qui va rester victorieux sur la vérité. Donc ça veut dire que il faut pas quand on entend un hadith qui dit que les musulmans vont s'égarer, il faut pas perdre espoir puis penser que ça y est, c'est fini, tous les musulmans vont dévier. Non, parce qu'il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, quand on a pris conscience de ça, eh bien, ça veut dire que il faut chercher ce groupe. Il faut chercher ce groupe et regarder ses caractéristiques et le suivre. En se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna et de l'exemple des Sahaba et des Salaf Salih. Donc, si on suit ça et qu'on comprend bien ça comme il faut, Inch'Allah, on ne va pas être perdu et on ne va pas être égaré. Na'am. Donc, le cheikh il dit par la suite, وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَهْتَمُّ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. Donc le cheikh il dit, et ça c'est le tawhid, et il est obligatoire aux musulmans de mettre d'importance sur ce sujet-là, sur le tawhid, avant toute autre chose. حتى يتحقق لهم النصر والعز والتمكين في الأرض. Jusqu'à ce que soit établi pour eux la victoire et la puissance et l'établissement sur la terre. فهذه الأمور لا تتحقق إلا بتحقيق التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله وأمرهم به من أولهم إلى آخرهم. Donc le cheikh il dit, et ces choses-là ne vont pas être établies, c'est-à-dire la victoire et la puissance sur la terre pour les musulmans, ne va pas être établie, excepté en établissant le tawhid comme il faut. Hein? Et on a été créé, Allah a créé la création, dans le but que le tawhid soit établi. Et il leur a ordonné à tous d'établir le tawhid, du premier au dernier. D'accord ? Donc ça c'est la base, comme le cheikh il explique ici, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer fondamentalement. Tu peux aller dans des conventions et des conférences de certains gens parmi les hezbiyya, les gens qui suivent des groupes ou qui suivent des organisations, hein, et tu vas entendre des dizaines et des dizaines de conférences et des conférenciers différents qui parlent de l'islam, qui parlent de toutes sortes de choses qui ont rapport avec l'islam, mais tu vas presque jamais entendre une conférence qui parle du tawhid et qui explique aux musulmans le tawhid. Parce que pour eux, ça c'est quelque chose, ça a été compris, ça a été connu, plus besoin d'y revenir, plus besoin d'en parler, c'est des choses simples et tout le monde le sait déjà. Alors que une grande partie des musulmans dans la Ummah sont noyés dans le shirk et dans les bid'ahs, dans les superstitions et toutes sortes de trucs de ce genre. Donc, comment on peut négliger ça et mettre ça de côté? C'est parce que beaucoup d'entre ces gens-là viennent de familles qui pratiquent ces choses-là. Et ils n'ont pas le courage de les affronter et de leur dire directement et ouvertement que ce qu'ils font c'est du shirk et de les appeler au tawhid. Hein? Donc, ils sont là avec eux. Et puis, dans certains pays, dans certains musulmans, ils ont adopté une attitude un peu diplomate, essayer de faire plaisir à tout le monde. Hein, quand ils parlent avec quelqu'un, ils essaient toujours d'avoir un discours qui va jamais, il y en a un peu complaisant, qui va jamais déranger personne. Et puis, jamais s'opposer à quelqu'un directement au sujet de ce qu'il dit, même si c'est contraire à l'islam. Et également d'adopter une sorte de langage un peu simpliste, et puis de dire par exemple, de se concentrer sur l'aspect de dire oh mais c'est la fraternité, on est des frères, on est tous des ikhwah, et de donner des exemples qu'il faut pas se diviser, il faut pas faire des désordres, des discordes entre nous, on est des frères, etc., etc. Et de mettre de côté toutes les problèmes et les questions fondamentales qui causent nos divisions. D'accord? C'est un petit peu l'attitude de l'autruche. Celui qui voit il y a un problème, mais pour éviter d'en parler, il veut pas en parler, donc il se met la tête dans la terre. Et puis il pense que le fait de faire semblant que ça n'existe pas, eh ben ça va régler le problème. Et il parle d'unité des musulmans et de fraternité, alors qu'il refuse de revenir aux causes fondamentales de la raison de nos divisions. C'est-à-dire le fait qu'on s'est éloigné du Coran et de la Sunna et qu'on a contredit l'exemple des salafs. Hein? Et qu'ils prétendent vouloir unir les musulmans sur autre que le tawhid et la Sunna. Donc ça c'est des choses importantes à comprendre. Donc si les musulmans, ces gens-là veulent vraiment avoir la victoire et la puissance sur la terre, ils doivent revenir. Et le terrain sur lequel on a un vrai dialogue, on peut avoir un vrai dialogue, c'est sur le Coran et la Sunna et l'exemple des salaf salih dans leur compréhension de l'islam. Donc le cheikh il dit فَكَيْفَ يُهَوَّنُ مِنْ شَأْنِ التَّوْحِيدِ فَيُقَالُ الناس الآن في مشكلات المسلمون في ضيق وفي مضايقة من الأعداء Cheikh dit, comment on peut dénigrer aujourd'hui l'importance du tawhid et de dire, par exemple, comme certains disent, oh, aujourd'hui les musulmans sont dans des problèmes, les gens ont des problèmes, les musulmans sont sont maintenant dans des difficultés incroyables à cause des ennemis, donc il faut se concentrer contre l'ennemi, il faut pas parler de tawhid et de ces choses-là, il faut juste se concentrer contre nos ennemis, etc. Donc ça, c'est un discours dans le but de tromper les musulmans, yani, de les faire éloigner de l'importance du tawhid, et yani, en réalité, ces gens-là qui parlent comme ça, eh ben, c'est comme si, pour dire la vérité, ils ne veulent pas réellement régler le problème. Ils veulent juste faire la fitna et détourner les musulmans de l'importance de la réalité de nos problèmes. Parce que si on veut régler ces problèmes-là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en revenant à l'explication et au fondement de l'islam. Donc le cheikh dit, « Yajibu an yu'lama anna a'azama qadaya al-muslimina huwa al-ityanu bil-tawhidi fatajibu al-inayatu bihi qabla kulli shay'. » وأن نخلص الناس من الجهل بالتوحيد ونخلصهم من الشرك والبدع والخرافات حتى يتحقق لهم النصر كما تحقق لمن كان قبلهم من قرون هذه الأمة الذين حققوا التوحيد عملا وعلما وعمل قولا وعلما وعملا فمكن الله لهم في الأرض. الشيخ الزي il est donc important de savoir que la plus grande question pour les musulmans, c'est de venir et d'appliquer le tawhid. Et ils doivent s'y concentrer, ils doivent se concentrer là-dessus avant toute chose. Et on doit purifier et nettoyer les gens de l'ignorance qu'ils ont au sujet du tawhid. Et on doit les faire sortir du shirk et les purifier du shirk et des innovations et des superstitions. Jusqu'à ce que soit réalisée la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, comme elle a été établie pour ceux qui étaient avant nous. Elle a été établie, la victoire, pour ceux qui étaient avant nous. Dans les siècles précédents de la Ummah, ceux qui ont établi le tawhid en parole, et en connaissance et en application, en action. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, à cause qu'ils ont établi le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire sur la terre. Et regardez uniquement l'exemple du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et comment il a établi le tawhid et il a appelé les gens au tawhid de façon sincère. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a établi le tawhid dans cette région-là, et qu'est-ce que ça a été les conséquences de ça, et regardez qu'est-ce qu'ils ont eu par la suite. Donc ça a été l'établissement d'un état islamique qui applique la charia et qui juge selon le Coran et la Sunna. Et donc on voit que tout ça a été établi à cause de l'établissement de la Sunna et du Tawhid dans ce pays-là. Et ça peut être le cas partout dans le monde musulman si les gens reviennent au tawhid, commencent à se concentrer sur ça et appeler les gens à ça, et donnent le bon conseil aux dirigeants selon la façon des salafs, et ils appellent à revenir au Coran et à la Sunna, etc. C'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à celui qui est sincère. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est pour ça qu'il y a une leçon là-dedans. Il y a une leçon là-dedans pour toute personne qui réfléchit sincèrement sur cet exemple-là. Et après, le cheikh il dit, وَعَدَ اللَّهُ, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل. Donc le cheikh dit Allah, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah a promis ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va manquer à sa promesse? Hein? Et certains parmi les chouyours, ils disaient parfois, ils disaient, subhanallah, quand on regarde l'état des musulmans, et ils disent, mais comment ça se fait que nous on est dans cet état? Et comment ça se fait que, yani, on est faible dans le monde? Et comment ça se fait que les koufars sont sur nous, etc., etc.? Donc, le cheikh, il disait, eh ben, Allah, il a dit dans le Coran, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Hein? C'est un devoir pour nous de donner la victoire aux croyants. Donc, il y a deux possibilités. Hein? Soit qu'on n'est pas encore des vrais croyants, ou soit que Allah subhanahu wa ta'ala a manqué à sa promesse. Donc, laquelle des deux vous pensez? C'est effectivement qu'on n'est pas encore des vrais mu'minin, parce qu'on n'a pas appliqué la réalité de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne par rapport à l'exemple des salafs. Si on compare eux, comment ils ont établi la religion d'Allah, et nous aujourd'hui, on voit tout de suite que on est loin d'être des bons exemples, hein, de qu'est-ce que on doit appliquer au sujet de tawhid et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas Allah qui a manqué à sa promesse, hein, mais c'est plutôt nous qui n'avons pas respecter notre part de notre engagement. Et il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran qui montrent que la victoire revient aux croyants. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, il a promis à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres qu'il allait leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient là avant eux, et qu'il allait établir pour eux leur religion qu'il a agréé pour eux, et qu'il allait leur faire changer leur situation. Après la crainte, ils allaient avoir la sécurité et la paix. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, a mis une condition à ça. Et il a dit comme condition, « Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. » Ils m'adorent et ils n'associent rien avec moi. « Wa man kafara ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. » Et celui qui a mécru après cela, alors voilà ceux qui sont les fasiqun, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le shaykh dit, هذا هو التوحيد وهذه أنواعه وهذه أهميته وهذه دلالة القرآن الكريم عليه. Il dit, voilà le tawhid, voilà ses catégories, voilà son importance, et voici les preuves du Coran à son sujet. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والمتمسكين بالكتاب والسنة الداعين إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن نسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمور المسلمين وعلماءهم. Donc le cheikh, il termine par un dua, et il dit, hein, il termine ce chapitre par un dua, et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous et de vous des gens du tawhid, qui s'accrochent fermement au Coran et à la sunna, qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec ilm, basira, avec sagesse, et qui donnent la bonne exhortation avec la bonne exhortation et le bon rappel aux gens. Waljidal billati hiya ahsan, et qui argumente d'une bonne façon avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et on lui demande de donner la victoire à sa religion et de mettre sa parole au-dessus de toutes les autres, et qu'il corrige nos dirigeants, hein, les responsables des affaires des musulmans, ainsi que nos ulama, et qu'il les rende meilleurs et qu'il les corrige de leurs défauts et de leurs faiblesses et toute autre chose. Hein? Et ça, c'est un dua qui est important. Hein? Il faut faire des duas pour nos dirigeants, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de leur augmenter en science de l'islam, de les augmenter en piété. Combien d'entre nous fait ce dua? Combien d'entre nous nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre nos dirigeants des bons dirigeants. Combien d'entre nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider et de leur donner le bien, hein, de les protéger de l'égarement? Si on fait ça, si on demande à Allah de changer nos dirigeants et de les guider, de leur montrer la vérité, de leur montrer le droit chemin, hein, de leur donner la foi, de leur donner la piété, de leur donner la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à notre dua et va corriger l'état de ces dirigeants-là, et il va améliorer le sort de notre ummah. Hein? Et donc on pourra par la suite espérer pour le mieux pour le futur de notre ummah. Mais sans faire ces exemples de dua comme le shérif nous dit ici, eh bien on ne peut pas arriver à grand chose. L'imam Ahmad, il disait, si j'avais un seul dua que je savais qu'il était exaucé, je l'aurais laissé pour le faire en faveur du dirigeant. Donc ça nous donne un exemple, d'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc mes frères et mes sœurs, je vous remercie de votre présence et d'avoir profité avec moi des séances qu'on a pu profiter maintenant, et d'avoir pu nous rappeler ensemble de la parole d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'explication de nos ulama. Et je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à faire des efforts pour faire avancer cette da'wa salafia, et pour encourager et appeler les gens à la suivre, d'accord, et à suivre et à retourner aux ulama de l'islam, les grands ulama de cette da'wa, pour qu'ils retournent vers eux lorsqu'ils ont quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Quand on a une difficulté à comprendre quoi que ce soit, de ramener les questions aux ulama, ahlul ilm, les grands ulama de notre ummah, hein, comme Cheikh Al-Fawzan et les autres parmi les grands ulama qu'on connaît qui sont actuellement vivants dans les pays musulmans, que ce soit au Yémen ou en Arabie Saoudite, hein. Et puis j'encourage toujours les ulama, les frères de faire ça. Et moi-même, je ne suis pas un parmi les ulama, et tout le monde doit comprendre cette chose-là. Parce que en Occident, depuis qu'un da'iya, un talib ilm, ou un khatib, ou l'imam d'une mosquée commence à parler ou à faire un da'wa, eh bien les gens commencent à le prendre et l'élever, et ils commencent à penser que cette personne est un imam, ou qu'il est un alim, ou des choses de ce genre. Et certains, ça leur monte à la tête, Allah al-musta'an. Et donc, on doit comprendre qu'il n'y a pas de ulama de l'islam en Occident, ni en Amérique, ni en Europe. Hein? Les ulama de l'islam sont dans les pays musulmans. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est pour ça que je veux vous avertir là-dessus. Parce qu'il y a des groupes qui ont dévié de la sunna, et aujourd'hui, ils se concentrent sur les convertis dans les universités et dans les associations étudiantes, et aussitôt que quelqu'un se convertit à l'islam, il saute sur lui pour l'entourer, pour le couper de la connaissance, pour le couper de l'ulama, et pour le garder avec eux dans leur organisation, pour pas qu'il connaisse la vraie connaissance de l'islam, et pour pas qu'il connaisse les vrais savants de la Ummah. D'accord? Donc, sachez que moi, je suis un talib ilm débutant, et j'essaie juste d'étudier ma religion et de vous faire partager un peu de qu'est-ce que j'ai appris avec les ulama. Et je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Si je fais une erreur, vous pouvez me rappeler, vous pouvez me corriger, vous pouvez me contacter, me faire partager vos commentaires. Il n'y a aucun problème, inshallah. Et on donne le nasiha, et on s'encourage dans le bien, et on se décourage quand c'est quelque chose de mal. Hein. On est juste des frères et des sœurs qui essayons d'arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et à bien comprendre sa religion. Donc sachez ça, et je vous encourage d'apprendre l'arabe pour être capable de lire et d'écouter les ulama et les durus, pour être capable par vous-même par la suite d'avancer plus dans votre religion. Ça, c'est très important. Pas juste vous concentrer sur des cours en en français ou des choses de ce genre. Et c'est pour ça que moi j'insiste toujours à lire le texte arabe original pour que quelqu'un puisse toujours avoir une référence de l'original du texte. D'accord? Et ça c'est pour en même temps inciter les frères et les sœurs qui parlent pas l'arabe à faire des efforts pour l'apprendre. D'accord? Parce que sinon, ça devient, yani, on dirait que, yani, on néglige par la suite l'importance de l'arabe. Les cours en français, les livres en français qui sont traduits, c'est uniquement une béquille. Comme quand quelqu'un est malade, quelqu'un a une jambe cassée, ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une béquille. Parce qu'il est, il est pas capable de marcher tout seul. Eh ben, c'est un peu ça. Le fait d'avoir des cours en français, le fait d'avoir des livres en français traduits, c'est uniquement une béquille pour t'aider jusqu'à ce que tu sois capable d'apprendre l'arabe et de comprendre par toi-même les livres en arabe ou avec les ulama en arabe. Donc, je vous rappelle de l'importance de comprendre et d'étudier l'arabe. Il y a des musulmans aujourd'hui, malheureusement, qui découragent les musulmans d'étudier l'arabe. Hein? Et vous voyez des frères et des sœurs de différents pays qui sont pas convertis mais qui viennent de communautés musulmanes ou d'origine de pays musulmans qui sont pas arabophones, hein, et qui négligent l'apprentissage de l'arabe. Yani, tu les vois apprendre l'anglais, le français, et tu vois leurs enfants qui parlent l'anglais, le français couramment sans aucun problème, mais qui sont pas capables de parler ou de lire un livre en arabe, hein, pour apprendre leur religion. Pour les choses de la dunya, quand c'est le temps d'aller à l'université, pour étudier je sais pas quoi, encore devenir ingénieur ou médecin ou je sais pas quoi, ça oui, on peut apprendre la langue des koufars, y a pas de problème, hein. Mais quand c'est le temps pour apprendre ta religion, pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'un coup on dit, ah mais non, moi je suis pas arabe, donc c'est pas ma langue, yani, je vais pas apprendre, hein. Comme tu vois des frères qui viennent de la Turquie, ou qui viennent du Pakistan, ou qui viennent d'un pays africain, d'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, ou peu importe, ou qui viennent de l'Asie, et qui, yani, agissent comme si, non, c'est pas ma langue, je veux pas apprendre l'arabe. Allah al-musta'an. Donc, mes frères, mes sœurs, faites attention à ça. Concentrez-vous, essayez de vous faire des efforts pour apprendre l'arabe. Hein? Et moi, j'ai fait ça, j'ai fait mon possible. Et puis, bon, jusqu'à maintenant, je continue encore même à essayer d'améliorer ma connaissance de la langue. Et je pratique, et j'essaie de pratiquer à lire et tout ça. Donc, c'est un rappel pour vous, mes frères. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je sais que j'ai parlé longtemps. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.